Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme je vous l'avais promis lors de la dernière émission sur la dernière partie du style animé, nous allons parler aujourd'hui et dans les prochaines semaines du cinéma fantastique. Comme d'habitude, nous allons aborder son histoire au sens général avant d'approfondir et ceci sera la première partie. Commençons tout de suite par donner la définition du cinéma fantastique. Le cinéma fantastique est un genre cinématographique regroupant des films faisant appel au surnaturel, à l'horreur, à l'insolite ou au monstre. L'intrigue se fonde sur des éléments irrationnels ou irréalistes. De plus, le genre se caractérise par sa grande diversité. En effet, il regroupe des œuvres inspirées du merveilleux, des films d'horreur faisant appel à l'épouvante, au cauchemar, à la fiction, à la folie. Bien que représentant un genre à part entière, les films de science-fiction, comme Star Wars par exemple, se rattachent au fantastique en mettant en scène des faits considérés comme impossibles et qui s'accompagnent pour certains d'entre eux d'horreur et d'épouvante. Pour illustrer mes propos, nous pouvons citer Alien de Ridley Scott, sorti en 1979, ou encore The Thing de John Carpenter, sorti en 1982. Le cinéma fantastique tire son origine de la littérature du même genre et commence par adapter des œuvres classiques comme Frankenstein ou Le Prométhée moderne, roman de Mary Shelley, sorti le 1er janvier 1818, ou encore Dracula, roman de Bram Stoker, sorti en 1897. L'histoire du cinéma fantastique se découpe en plusieurs périodes, à commencer par la période du cinéma muet avec les films de Georges Méliès, suivi par la période de l'expressionnisme allemand du début du XXe siècle, suivi ensuite par le fantastique hollywoodien des années 1930-1940. Ensuite, les années 1950 sont marquées par l'apparition de mutants post-atomiques et d'extraterrestres. Les années 1960, elles, voient l'essor du genre gothique, marqué par les films britanniques de la Hammer Film Productions. La révolution du cinéma gore, elle, voit le jour à partir des années 70 et 80. Toutes ces périodes vont jusqu'au blockbuster en images de synthèse des années 2000. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec la définition plus approfondie et les délimitations du cinéma fantastique. Le fantastique se définit par rapport à l'irrationnel et à l'anormalité. Pierre-Georges Castex, né le 20 juin 1915 à Toulouse et décédé le 9 décembre 1995 à Paris, était un universitaire français. Il s'est exprimé dans Le Conte fantastique en France en 1951 en disant que le fantastique est, je cite, une intrusion brutale du mystère dans le cadre de la vie réelle. Fin de citation. Cette intrusion en question se fait toujours dans un environnement donné pour réel, dont l'irruption d'un élément anormal fait contraste et justifie son caractère fantastique, mais sans pour autant que l'élément en question appartienne au surnaturel. Il peut être simplement monstrueux comme la créature de Frankenstein, ou inexpliqué comme une attaque de mouette dans le film Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, sorti en 1963. Attention cependant, le fantastique ne se définit pas selon un contexte particulier. Un récit fantastique peut concerner n'importe quelle époque et se dérouler dans un lieu réel ou imaginaire, mais dont la dimension est cohérente. Les frontières du fantastique au cinéma sont floues et n'appartiennent pas seulement à un style en particulier. En effet, le genre avoisine avec le merveilleux, le fantasy, la science-fiction et l'horreur. D'ailleurs, il n'existe pas dans la liste des genres cinématographiques hollywoodiens. Hollywood préfère utiliser le terme « horror movies » ou « cinéma d'horreur » en français. Fait intéressant, dans un article publié en mars 1982 dans l'écran fantastique intitulé « Tentative de définition du fantastique », Jean-Claude Rohmer, acteur, journaliste, critique, scénariste et historien du cinéma français, comprend le genre dans 6 catégories différentes. Catégories que je vais vous citer tout de suite. Dans la catégorie du fantastique stricto sensu, qui est rattachée au folklore et à la tradition autour des légendes, des fantômes, des vampires, des loups-garous et des sorcières. Il donne comme définition, je cite, « On peut parler du fantastique lorsque, dans le monde réel, on se trouve en présence de phénomènes incompatibles avec les lois dites naturelles. » Fin de citation. Dans la catégorie de la science-fiction, qui concerne autant Frankenstein que Robocop, autour de thèmes en rapport avec l'intervention d'une intelligence dans le processus de phénomènes incompatibles avec les lois dites naturelles, a-t-il dit. Dans la catégorie de l'anticipation, qu'il distingue de la science-fiction, car tout en se situant dans un monde futur, les phénomènes sont cette fois compatibles avec les lois dites naturelles, a-t-il dit, et concerne des films comme Rollerball ou encore Mad Max. Dans la catégorie ensuite de l'insolite, avec des films comme La Monstreuse Parade ou Elephant Man, sur l'irruption de la bizarrerie dans un monde réel. Dans la catégorie de l'épouvante, qui est basée sur des phénomènes en rapport avec la peur, et comprenant des films comme Psychose ou Rosemary's Baby. Et enfin, sixième et dernière catégorie, le merveilleux. Le merveilleux appartient au domaine des contes de fées, de la fantasy, de la mythologie avec des films comme La Belle et la Bête ou encore Le Choc des Titans. Voilà pour les 6 catégories de Jean-Claude Rohmer. Intéressons-nous maintenant aux différentes catégories entre guillemets et commençons par le fantastique de la science-fiction. La science-fiction, bien que partageant des frontières communes et des thèmes comparables autour de l'extraterrestre, qui, comme le monstre, s'introduit dans un monde réel ou sur des mutations et transformations dues à des expériences scientifiques auxquelles se rattache également l'histoire de Dr. Jekyll ou de l'homme invisible, représente cependant pour Frank Henry un genre spécifique. Pour Michel Chion, la caractéristique fondamentale de la science-fiction est liée à l'emploi de machines et de procédés créés par un savoir scientifique, donnant un caractère rationnel à ce qui serait présenté comme miraculeux dans le fantastique. Pour Gérard Lenne, en revanche, la science-fiction est un conglomérat hétéroclite. Voyez ici une image de roche composée d'éléments variés, qui est constituée de fusées, de robots ou de martiens, et qui n'est pas une catégorie cohérente. Selon lui, la science-fiction est fantastique car elle est conçue sur le même schéma, un danger inconnu qui menace l'homme. Les éléments scientifiques sont liés à un dérèglement, à une folie. Toujours selon lui, elle reprend les mythes du fantastique et du merveilleux tout en les transformant. Il cite par exemple l'envahisseur venu d'un autre monde qui n'est que l'avatar d'un autre type d'envahisseur nocturne, le vampire ou le kaija, popularisé par Godzilla, extension futuriste du thème de la bête géante dont King Kong est le modèle originel, associé au mythe du dragon oriental. Pour autant, Lenne n'englobe pas toute la science-fiction dans le fantastique, car une partie liée à la littérature ancienne, représentée par Jules Verne, concerne plus le genre de l'aventure. Voyons maintenant ce que sont le fantastique et l'horreur. L'horreur, également appelée épouvante, est basée sur la peur ou la répulsion ressentie par le spectateur. Elle ne nécessite pas forcément le recours à l'irrationnel ou à la normalité. Frank Henry prend comme exemple le final sanglant du film Taxi Driver, qui n'appartient pas au genre du fantastique. Selon Éric Dufour, dans son ouvrage intitulé simplement « Le cinéma d'horreur et ses figures », ce qui distingue le fantastique de l'horreur tient à la structure narrative des films. Le fantastique, en tant que genre du cinéma traditionnel, fait progresser l'action, de sorte que la situation initiale du récit soit modifiée par l'action des personnages. Alors que dans le film d'horreur, la situation du récit ne se modifie pas en dépit de l'intervention des protagonistes. Les événements demeurent bloqués et donnent une impression de répétition du fait que la situation ne connaît aucune progression narrative entre le début et la fin. Selon lui, l'horreur est comme le cauchemar, c'est-à-dire la répétition du même. Ainsi, Dufour exclut du genre de l'horreur les films expressionnistes et les horror movies hollywoodiens, car elles entrent nettement dans une structure narrative classique du cinéma traditionnel. L'autre critère qui distingue les deux genres vient de la manière dont les films se concluent. En effet, Dufour, se basant sur Lenne, définit le fantastique comme un combat de l'ordre contre le désordre. Pour lui, dans le fantastique, la fin ne peut aboutir qu'à une victoire du premier contre le second. Il se finit bien, là où un film d'horreur ne se finit pas. L'auteur compare les deux fins de « La chose d'un autre monde », film réalisé par Christian Nibi et sorti en 1951, à son remake « The Thing », réalisé lui par John Carpenter. Pour Dufour, le premier appartient au genre fantastique par l'élimination de la chose et le retour de l'ordre selon le schéma du mal vaincu par le bien, tandis que la conclusion du remake est, elle, ouverte. En effet, le spectateur ne sait pas à la fin du film si la chose qui acquiert le corps de ses victimes en prenant leur apparence a été définitivement éliminée ou si, des deux survivants, l'un ou l'autre n'a pas été contaminé, ce qui en fait un film d'horreur. Le film d'horreur se différencie donc du fantastique par son refus de toute finalité. À la suite de Philippe Rouyère, qui, dans un ouvrage sur le cinéma gore, fait naître le genre avec Bloodfist, Dufour ajoute le film Psychose d'Hitchcock, qui représente la première référence du cinéma d'horreur, en exposant certaines caractéristiques fondamentales du genre. Intéressons-nous maintenant à la dernière partie de cette chronique. Cette dernière partie sera consacrée au fantastique et au merveilleux. Le merveilleux, qui appartient au monde de l'enfance et de la féerie, comme les contes et dessins animés des franchises Disney et Pixar, pour ne pas les citer, est différent du fantastique. Effectivement, pour Frank Henry, dans un monde irréel, l'extraordinaire constitue la norme. Il n'y a donc pas d'intrusion d'éléments anormaux qui justifieraient le fantastique. Gérard Lenne aussi exclut le merveilleux du fantastique. En vérité, il ne fait pas que l'exclure. Il l'y oppose sur plusieurs points. Il appartient au cadre exclusif de l'imaginaire et ne rencontre pas le réel. Au cinéma, par contre, le merveilleux s'exprime pleinement dans les dessins animés de Walt Disney, comme vous avez pu l'entendre un peu plus tôt, ou avec les marionnettes animées de Jerry Trenka. En opposition, le cinéma a plus de mal à convaincre en prise de vue réelle, comme dans Le Magicien d'Oz, sorti en 1939, qui est une adaptation du roman du même nom de L. Frank Baum. Le merveilleux peut être considéré comme l'enfance du fantastique. Les premiers réalisateurs du fantastique ont d'abord puisé leurs inspirations dans la matière du féerique pour réaliser les premiers films du genre, à commencer par Méliès. Plusieurs thèmes et figures sont à la jonction des deux genres, comme les fantômes, les spectres ou encore le mythe de Faust. C'est ainsi que se termine cette première partie sur le cinéma de fantastique. Dans la prochaine émission que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons plus en détail de l'histoire du cinéma fantastique avec les précurseurs du muet, l'expressionnisme allemand, le fantastique muet dans le reste de l'Europe, ainsi que du fantastique hollywoodien du muet au parlant. Comme d'habitude, je vous invite à nous partager votre avis sur ce nouveau numéro de la Cristoire du cinéma sur notre page Facebook Radio Gamozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore, pourquoi pas, à venir nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Miremont. Nous serons ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. De plus, comme nous sommes sympas, nous vous offrirons un café. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.